Puis, je l'ai fait deviner. Ben, j'imagine. C'est pour ça que j'ai pas laissé tout le contexte à ça. Là. C'est assez évident. Mais ouais, c'était le calibre de jeu de mots cette semaine. On avait aussi, et là, c'était plus compliqué à comprendre. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les meilleurs moments. Mais on avait reçu les filles de l'accorderie. OK? Ils font une organisation, l'accorderie. Fait que mes jeux de mots, c'était d'accorderie. Merci, ben, accorderie. Et puis, est-ce que, et puis la fille, c'était la coordonnatrice, donc c'était la coordonnatrice. La coordonnatrice. J'aime pas le dernier. Ouais, la coordonnatrice. Ça, c'est pas pire. C'est, faut que tu l'expliques un peu, mais ouais. Moi, j'ai bien aimé le Good Matins, the Reckons. Good Matins, the Reckons. Comme ici, c'était, ça pourrait être Good Après Midi de Palmiers. Après Midi. Après Midi, c'est l'après-midi, c'est l'après Midi. Ça sonne comme aucune langue. J'aime ça. Après Midi. Bon, voilà, donc c'était les meilleurs moments d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées animée par François-Olivier Marchand ou Cher. Et moi-même, Mathieu Plante, lundi au jeudi entre 7h et 9h, between Scepters and Nuffers. Nuffers. Nuffers. Of the matin. N'importe quoi. C'est n'importe quoi et c'est ce qu'on aime le matin. Vraiment, ouais. Tu te réveilles, tu veux pas des affaires sérieuses, là. Non, des bonjour, monsieur, madame, messieurs. Bonjour, bienvenue. Non, tu veux pas du sérieux de même, là. Hein? Tu veux des niaiseries. Il y aura pas ça ici, en tout cas. Non, pas les niaiseries, le bonjour. Ah, d'accord. Bonjour, bien sûr. Télé rôti. Et bienvenue, petite pâtisserie fine. Ça n'a aucun rapport. Il y a personne qui dit ça à la radio, je sais, c'est pas grave. Hey! C'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou! Hey, on a-tu de la musique dans le backstore en arrière, en avant, en partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans! Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais! Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques, puis les meilleurs moments d'assemblage requis! Est-ce pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy!